les conditions de vie sont créées pour vous amener à sentir la vibration sont souvent difficiles. Pour vous empêcher de souffrir pour rien de ces conditions de vie-là, il y a une chose que je veux que vous compreniez bien. C'est que les mouvements que vous avez à faire, faites-les toujours d'une façon intelligente. Autrement dit, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple qui est un exemple modèle, dans le sens qu'un exemple qui peut être représenté ou qui représenterait pour la plupart d'entre vous autres une souffrance quelconque, dans le sens que vous trouveriez ça difficile. Si les vibrations du supramental sont très fortes, il se fait une fusion entre le mental, votre mental, puis le supramental. De sorte que votre mental est capable de fonctionner naturellement, il est capable de penser. Vous êtes capable de penser. Vous êtes comme un génie. Puis là, ça, en général, ça coïncide avec une situation quelconque. Dans la situation quelconque, là, vous êtes gelé, vous ne voyez pas de porte de sortie. Mais il y en a une porte de sortie. Il y en a toujours une porte de sortie. Des fois, vous n'allez pas tout de suite, peut-être que vous allez l'avoir demain, peut-être que vous allez plus attendre une semaine, mais il y en a une porte de sortie. Laissez-vous pas prendre dans le fait qu'il ne semble pas y avoir de porte de sortie. Il y a toujours une porte de sortie. Il y a toujours une porte de sortie. Ils ne vont pas vous amener à la porte de sortie, parce que ça fait partie justement du changement vibratoire du corps mental, de la fusion entre le mental inférieur et le mental supérieur. Ils ne vont pas vous le dire que c'est telle chose. Même si vous le dites, ce ne sera pas ça, ça va être d'autres choses. Souvent. Hein, pour vous forcer à fonctionner vibratoirement. Mais le point que je veux faire pour vous empêcher de faire des mouvements qui ne sont pas nécessairement inutiles, parce qu'aucun mouvement est inutile, on apprend toujours quelque chose, mais pour vous empêcher de souffrir pour rien, c'est de réaliser que dans votre vie, ce qui est bien important, c'est le travail. Parce que le travail vous apporte de l'argent à la maison. Le toit, la nourriture. Là, je dis pas ça pour tout le monde, je dis ça pour les quelques-uns qui sont en voie, parce que éventuellement, il y en a beaucoup qui vont arriver à cette conjoncture-là. La conjoncture du mental inférieur et du mental supérieur qui amène la conjoncture de la psychologie humaine avec la vibration. La vibration, c'est la vibration, ça gèle l'esprit. Puis la vibration s'établit quand il y a une crise. Ça, la vibration, elle ne s'établit pas quand tout va bien dans votre vie. Elle s'établit toujours dans une crise, la vibration, parce que quand tout va bien dans votre vie, vous fonctionnez astralement. Quand ça va mal, là, vous commencez à fonctionner supplémentaire, inférieur, vous essayez d'organiser votre affaire. Si vous êtes dans la vibration à ce moment-là, vous êtes amené à un autre niveau vibratoire, à ce moment-là, votre cerveau est gelé. Puis à ce moment-là, vous êtes obligé d'attendre, puis voir une porte de sortie, puis souvent, vous n'êtes pas capable d'avoir de sortie. Mais même dans la situation où ils vont changer vos vibrations, puis où ils vont réellement accélérer ou augmenter la résonance, et où vous allez sentir... Y a-t-il qui ont senti le cerveau gelé? Oui. Bon, c'est ça, je suis parti là, je veux dire. Ceux qui ont vécu le cerveau gelé doivent réaliser trois choses. Jamais paniquer, attendre, puis vous verrez quoi. Vous verrez, vous allez avoir. Parce que l'idée, elle vient de vous deux autres, anyway. Elle va toujours venir deux autres. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand vous êtes dans cette situation de crise-là, vous avez du cerveau gelé, qui coïncide avec une crise difficile, organisez-vous toujours pour vous protéger. Partez pas en zombie, là, quelque part dans le monde, là, parce que vous avez du cerveau gelé, qui vous disent, bon, mais c'est par là que tu t'en vas. Ça, c'est bon en initiation, comme je l'ai vécu, mais pour vous autres, pour vous empêcher de vivre pour rien ces souffrances-là, quand vous prenez une décision, prenez-la intelligemment. Si vous avez le goût fortement d'aller par là, allez-y par là, mais arrangez-vous pour toujours considérer les trois systèmes importants de votre vie. Le travail, une job, même si c'est un petit job, un loyer, que ce soit bien compris, ça, parce que ceux qui vont avoir à vivre ça un jour vont voir que c'est bien important. Parce qu'une fois que vous êtes dans la vibration, si vous avez un petit job, vous avez du travail, vous avez la nourriture, vous êtes correct. Après ça, la vibration tombe, vous retombez la normale. Là, vous pouvez fonctionner un peu plus sur le terrain du mental inférieur comme avant. Puis ensuite, il y a une autre situation qui tombe qui vous fusionne encore l'esprit. C'est comme ça que les changements vibratoires se font au cours des années. Mais ce qui m'agace un peu face à moi dans ce que tu dis, c'est que moi j'en avais un travail, un petit travail, puis justement il me l'enlève en médical en disant que 2 mois, je ne peux pas fonctionner. C'est de la santé. Bon, ça ne vous empêche pas de fonctionner dans 2 mois. Non, non. Ça ne vous empêche pas de retourner sans job. Ben, c'est parce que c'est contradictoire. Un est dans le Nord, puis travaille est à Montréal. Ça ne vous empêche pas de revenir à Montréal. Vous ne savez jamais ce que vous allez faire. Si vous saviez ce que vous allez faire, si vous pouviez planifier ce que vous allez faire, si vous saviez ce que vous allez faire, c'est une autre situation. Mais il dit que ce n'est pas important ce côté-là. Ce qui est important, c'est de comprendre que de ne jamais perdre de vue quand vos corps sont ajustés, parce que moi, je le sais comment est-ce que ça s'ajuste, vos corps. Vos corps s'ajustent jamais quand vous êtes au Ritz-Carlton. Ils s'ajustent toujours quand vous êtes à l'intérieur. C'est là que vos corps s'ajustent. Pas quand vous êtes au Ritz, vous êtes en amour, vous êtes libre. Vos corps s'ajustent tout le temps quand vous perdez vos enfants, quand vous avez la maladie, quand vous avez la souffrance, quand vous avez des... C'est toujours là que les corps s'ajustent. Parce que c'est là que la confrontation entre l'ego et le lien se fait. C'est là que la fusion entre l'ego et le lien se fait. C'est là que le mental supérieur domine le mental inférieur. C'est là que domine l'homme devient mieux. C'est là que l'homme cesse de paniquer. C'est là que l'homme en arrive à développer la volonté. C'est là que l'homme en arrive à être centré. C'est là que l'homme en arrive à prendre la vie par les cornes, puis faire ce qu'il veut avec la vie et non pas se faire faire par la vie ce qu'elle veut être. C'est là que je vous dis ce qui est important. C'est de toujours descendre la vibration sur le plan le plus bas. Le plan le plus bas, c'est la petite job, la maison, puis la nourriture. Quand t'as la petite job, la maison, la nourriture, tu commences à comprendre bien les affaires, c'est moins pire. Mais si t'as cette maudite vibration-là, puis t'as pas de petite job, puis t'as pas de nourriture, puis t'as pas de maison, là tu vas en souffrir un maudit bout, parce que là tu vas être obligé d'aller voir quelqu'un, vivre chez quelqu'un, faire nourrir par quelqu'un, faire tu sais, ça marche pas, ouais. La belle mère ou des amis, non. Au lieu d'être indépendant, puis... Fait que je vous le dis, ça. Vous allez tout comprendre pour une raison. Même si ça fait 2 ans, vous allez tout voir que c'est le même. Petit job, la loyer, la nourriture. Ça, c'est plus important que toutes les connaissances des planètes. Fait que vous autres. Mais de toute façon, comme tu le disais, il te les ferme les portes. Oui. Avec tes chums. Fait que t'as même pas envie d'y aller. Mmh. Il peut vous fermer les portes. Il peut faire tout ça, genre. Ce qui est important pour vous autres, c'est de jamais vous faire prendre des clés de verre. Moi, je m'ai fait prendre des clés de verre parce que je suis fusionné, j'avais pas le choix, mais il fallait que j'apprenne ce que j'ai à vous dire. C'est un maudit cadeau. C'est ça, je vous pensais toujours à vous protéger matériellement. Occupez-vous pas du donné matériel, occupez-vous du matériel. Matériellement. Mes petits jobs, j'appelle ça le petit job, la maison, la nourriture. Parce qu'il vient un point que quand vous êtes dans la vibration, là, le monde, là, ça ne t'intéresse plus comme avant. Là. Alors, ce qui vient important dans ta vie, c'est que tu puisses manger par ta nourriture, ta maison, ta petite job. Après ça, le reste, parce qu'on vit de plus en plus en esprit, en esprit, en esprit, on réfléchit tout en dedans, dedans. Éventuellement, tu viens qu'en dedans. Tu vis plus en dehors. En dehors, c'est que l'expression matérielle de ce qui est en dedans. Mais si vous n'avez pas le dehors, parce que vous êtes parti d'une brume, là, parce que vous êtes parti sur une vibration, ils vont faire un mot du fou tour de chemin. C'est pour ça que je vous explique. Si vous allez à Saint-Adèle, arrangez-vous, vous aurez une petite job à Saint-Adèle. Ben, c'est la vendeuse, vendez-la, t'as rien à voir. Vous aurez une petite job. Après la petite job, la petite chambre. Après la petite chambre, là, tu peux manger, t'as les vêtements. Là, les changements continuent, la vision s'éclaircit, mais t'as les éléments essentiels pour continuer la progression dans le changement de l'entraînement des corps. Sans ça, c'est insupportable. Ça devient une initiation. Ça veut dire que si tu es capable d'assumer un loyer pour commencer, si tu peux l'assumer. Vous devez assumer un loyer pour commencer. Non, mais c'est ça que je te dis. Ouais. Après ça, tu peux chercher ta job. Je veux dire, c'est une question. Tu as l'argent pour acheter un loyer. Ouais, la... D'accord. Okay. Assumer un des l'autre. Ouais. Un des deux, je veux dire. Mais les deux vont bien brancher l'un de l'autre. Pas trop de semaines de différence entre les deux. C'est ça que je vous dis tout le temps. Protégez-vous toujours, protégez-vous. Parce que moi, je sais comment ça va faire pour les forces. Il y en a qui commencent à les sentir. Là. Tout le monde va les sentir. On a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tout le monde va être en dessous. C'est comme tu disais, on devient tout croche, on n'a pas le choix. C'est ça, vous devenez tout croche, mais c'est un croche qui est droit. Oui. J'essaie d'être plus proche de vous autres pour pouvoir vous faire comprendre les petits détails. Ces petits détails. Vous ne l'avez pas. Vous n'avez pas assez souffert pour les voir, les petits détails. Oui, je l'ai souffert, fait que je peux vous les faire voir, les petits détails. C'est, je vous le dis, c'est jamais quand ça va bien que vous vous accrochez. Quand ça va bien, non. vous savez jamais quand ça va aller mal. C'est là, là, que ces choses-là, il faut qu'ils soient sues et comprises. Ça se discute pas, ça, quand je vous dis, c'est un petit job, le loyer, les vêtements. Il faut que ça soit rendu là, sinon. Ah. Tu l'as dit, là. Ouais, sans ça, vous partez de malin, vous partez d'un jeu. Vous aviez pas faire un coup de vote. Moi, je sais, ils m'ont mis dans le jeu. Mais ça fait mon sens. Parti d'université en jeu. Une journée, je fais l'université dans le jeu, je suis rendu dans le jeu, il y a Mexico, Charlie. Hé, il y a un maudit bout. C'est loin. J'étais content de revenir ici, d'avoir un steak. Puis comme je vous parle toujours pour demain, tu sais, demain. Ça prend pas gros, changer de vie. T'as juste fait ton chum, ton mari, ton enfant, ou un accident, ou de... simplement un changement de vibration. Ils n'ont pas besoin de passer par des éléments de même. Ils peuvent même changer des vibrations. Puis quand tu commences à rentrer, à ce temps que vous avez la résonance, ils rentrent. Ils rentrent pas trop vite. Au moins, ils rentrent dans le monde. Éventuellement, vous allez être bien parce qu'éventuellement, vous allez être totalement centré. Vous allez fonctionner totalement vibratoirement. La vie doit être vécue vibratoirement, jamais psychologiquement. Tout le temps vibratoirement. Les gens sont malheureux parce qu'ils fonctionnent psychologiquement. Elle est poignée avec des formes, à gauche, à droite. Ça reste à voir clair. Pas voir clair. Ils changent des vibrations, puis éventuellement, on va être clair. En attendant, pas qu'à s'inquiète. Faut pas essayer trop d'être en dehors des formes, ils sont là, ils partent. Sans ça, ils sont obligés de la fusionner, puis là, il n'y avait plus de forme, mais je te jure, c'est un autre phénomène. Non, mais ça, on s'en fout, avec ça. On va faire de la destruction des illusions des gens qui se conscientisent ou des gens spirituels. Je vous le redis. Attendez-vous jamais des miracles. Deux autres. Attendez-vous jamais des miracles ou vous n'allez pas de votre sens à vie. C'est la spiritualité, ça. Quand ça sera arrivé, le temps, ça, du contrôle de l'esprit sur le corps matériel, ça fera un autre pain de manche. Vous allez être tellement conscient dans ce temps-là que vous ne pensez même plus à ça. Mais tu sais, à ce temps-là, faites-vous pas prendre dans la trappe des miracles. Allez voir les médecins, allez voir les psychiatres, allez voir n'importe qui vous aider. Donc, du moins, c'est des gens qui sont conscients, assez conscients pour consciencieux. Pas conscients, mais consciencieux. Il y a des médecins dans le monde qui ont du bon sens, il y a des avocats qui ont du bon sens, il y a du monde qui a du bon sens. Faut pas dénigrer. Les gens spirituels ont tendance à dénigrer la société, ont tendance à dénigrer les professeurs, les psychologues, les médecins, les ici. Ça ne faut pas dénigrer. C'est des gens qui cherchent, du grand monde, cherchent. Ils ne sont pas conscients, pas conscients. Si la conscience fait qu'ils changeraient d'autre chose, après ça, ils ne pourraient plus faire de médecine. Parce que chacun a ça. Fait que si vous avez des enfants qui sont malades, envoyez-les au médecin. Attendez pas les miracles. À moins d'avoir vous-même une réponse, puis encore. Moi, je suis fusionné, puis j'ai la misère à guérir ma fille. Ça prend tout. C'est parce que c'est pas père, c'est pas père, que ça marche sans ça. Je te jure que moi, l'extérieur où je peux aller, le cercle où je peux aller, là, il est restreint. Ok, c'est pas un miracle, c'est naturel. C'est lui qui dit tout le monde. Ils ne sont pas forcément miracles parce que notre ego doit être totalement décontaminé. Notre ego doit être au niveau du mental fusionné avec le mental supérieur à calmer. Faites-vous pas prendre des illusions spirituelles. La foi du bon Dieu. Je passe assez de temps et assez d'énergie pour les défaire et ces fausses illusions-là. Ils sont puissants. Organisez-vous pour toujours vous protéger matériellement. Surtout quand la fusion commence au niveau du mental et vous sentez ça gelé cette fois. Quand vous êtes pas capable de penser une pensée, là, même si vous essayez. Il y a un sujet que je veux commencer à développer. D'ailleurs, je vais en parler dimanche. C'est bien important. L'homme occulte, quand je parle de l'homme occulte, je parle de l'homme qui se conscientise dans le cœur. L'homme occulte et la femme occulte, c'est deux moineaux différents. Une femme occulte et un homme occulte, c'est pas pareil. Ça fonctionne pas pareil. Un homme occulte, en général, il y a beaucoup d'ego dans sa vision interne des choses. L'homme occulte a l'impression qui en sait plus ou qui comprend plus que sa femme. Puis ça fait partie de l'illusion de l'ego mental de l'homme, ça fait partie de la nature de l'homme, ça fait partie de la masculinité de l'homme, ça fait partie de la personnalité de l'homme. L'homme, il pense qu'il est au bout du bout. Puis ce que l'homme ne réalise pas, c'est que dans l'évolution de la sixième race, c'est pas l'homme qui est au bout du bout, c'est sa femme. C'est la femme dans dans la fusion du mental supérieur avec le mental inférieur, c'est la femme qui sert de résonance permanente à l'intérieur d'une famille. C'est la femme qui est le baromètre vibratoire à l'intérieur d'une famille. C'est pas l'homme. Il est temps que les hommes commencent à se tasser un peu, puis à comprendre, puis à réaliser qu'ils sont pas la fin du monde, puis qu'ils sont pas le nombril du monde, puis qu'ils savent pas tout, puis qu'ils comprennent pas tout, puis que la femme c'est une sans-dessin, puis eux autres, c'est pas des sans-dessins. Le phénomène vibratoire dans l'homme, sur le plan de l'équilibre entre l'homme et la femme, se fait en relation avec la femme et non en relation avec l'homme. Puis ça, c'est un aspect extrêmement occulte de la sixième race qui va être compris sur le plan phénoménal, sur le plan de l'éther, seulement quand l'homme va rentrer dans la lumière. D'ici à ce temps-là, l'homme et la femme subissent la vibration, et souvent la vibration est extrêmement polarisée dans la famille parce que l'homme a un égo, puis la femme en a un elle aussi, mais il est moins égocentrique que le sien. Le problème de l'homme, c'est son égocentricité. Puis le phénomène de la fusion avec le lien, c'est un phénomène qui amène la destruction totale de l'égocentrisme. Parce que l'égocentrisme, c'est le point de référence. C'est le pilier de la nature humaine inconsciente, de la nature humaine existentielle. Puis les hommes de nature, en général, en relation avec leur femme, ont l'impression qu'ils sont plus en avance sur le temps. Pas tout. Mais en général, ils ont l'impression, surtout s'ils ont des égos forts, ils ont l'impression qu'ils sont plus en avance sur le temps. Ça, c'est une illusion éventuellement qui est très difficile à vivre parce qu'éventuellement, si l'homme a un égo qui est trop fort, puis si l'homme n'est pas capable d'absorber l'énergie de sa femme, éventuellement, ça peut être dans 5 ans, dans 10 ans, s'il n'y a pas de raccordement au niveau de la vibration, ils vont vous séparer. Point, c'est tout. Pas de suite, parce que c'est pas le temps. Mais un jour, je vous ai déjà dit, le contact entre le supramental et le mental de l'homme, c'est un contact qui est absolu. Ça se fait petit à petit, mais éventuellement, ça devient absolu. Puis la communication entre l'homme et la femme doit être totalement équilibrée, de sorte que l'homme et la femme se reconnaissent comme étant deux esprits dans deux corps différents. Un mâle et un femelle. C'est plus la personnalité mâle ou la personnalité femelle qui doit donner le show, c'est le contact vibratoire entre l'âme et l'ego qui doit s'équilibrer dans l'action des deux personnalités sur le plan matériel. Sans ça, il n'y a pas de bonheur possible entre un homme et une femme dans la sensibilité vibratoire du supramental. C'est évident. C'est évident, c'est clair comme de l'eau de roche. C'est pas le cas de tous les hommes. Mais ils me disent une chose bien intéressante, c'est que les hommes qui ont des égos moins forts, qui sont moins égocentriques, c'est plus facile la transmutation de leur union ou de leur mariage que des hommes qui ont l'égo trop fort. Parce que l'égo trop fort, éventuellement, ça va bloquer, et éventuellement, le gars, il va. C'est comme un break, t'sais, il gèle le break. À ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Donc, je vous avertis bien d'avance, les hommes. Si vous avez l'égo fort, prenez un break. Parce que la femme sert à canaliser l'énergie dans votre famille, puis l'homme sert à transformer cette énergie-là en action créative pour le bien-être matériel de votre famille. Fait que... je sais ce que je veux dire. Ceux qui ont l'ego trop fort, puis qui se pensent trop smart, puis qui pensent qu'ils comprennent tout, la femme ne comprend rien, ils vont frapper un maudit nœud, puis je vous l'avertis d'avance, normalement, je vous le dirai 10 ans d'avant, je vous le dis aujourd'hui. Vous allez frapper un maudit nœud. Lui, il y en a un ego qui est pas fort, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'ego fort, qu'il n'a pas de force. Il y a un ego qui est doux, qui est réceptif, ça marche. C'est comme ça que ça marche. Lui, c'est un autre. Le bicep, c'est un autre. Lui, ça marche. Lui, ça commence à marcher. Ça commence à marcher. Ça fait belle attention à vos égos. Carmel, il n'y a pas de problème. On ne peut pas se permettre d'être égocentrique puis dans la lumière. Tu ne peux pas être dans la lumière et égocentrique en même temps. C'est comme blanc et noir. Ça ne marche pas. Soit tu es dans la lumière ou tu ne l'es pas. Puis si tu ne l'es pas, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Puis si tu rentres dedans, éventuellement, ton égocentrisme va être de se changer en centricité réelle, en centricité consciente. Puis à ce moment-là, l'équilibre entre toi et ta femme doit être pareil, égal. Égal. Pas un petit peu plus d'un bord, un petit peu plus d'autre. Égal. Puis je le sais, ils me l'ont dit, quand même, ça prendra 20 ans. Si un homme est trop égocentrique, puis sa femme est pas capable, parce qu'en général, la femme, à cause de sa force physique, puis son engueulade, elle n'a pas l'emprise de personnalité qu'un homme a, puis souvent, elle passe dans un petit trou. Je vous garantis que s'il n'y a pas d'équilibre entre votre femme et vous autres, dans le temps, il va y avoir éventuellement une séparation parce que les vibrations vont être trop fortes. Là, les vibrations sont pas fortes, fait que vous êtes capable de vous balancer, de vous rythmer dans votre personnalité, vous appelez tout de temps en temps, vous engueulez de temps en temps. Mais éventuellement, vous ne pourrez plus. L'union des sexes doit être totale, puis l'union doit être établie dans le supramental. Moi, je sais ce qu'ils ont fait avec ma femme. Ils ont amené ma femme à l'initiation à un point à coup à faire me combattre. Me combattre. À me sacrer une volée un jour. Paf! Là, j'ai dit, bon, j'ai fini. Quand ma femme a été capable de me sacrer un coup de poing parce que sa vibration était tellement forte et elle se frottait, là, j'étais content parce que là, je savais qu'elle l'avait à l'affaire. Puis aujourd'hui, je ferme ma gueule. Si elle dit c'est ça, parce qu'elle a raison. Elle est ajustée mentalement, c'est le même que ça marche. Fait que moi et ma femme, on est un dans ça. Fait qu'on est bien. C'est le même, vous en avez. Mais ça, pour une femme, moi, ils me l'ont fait vivre dimanche il y a 15 jours. Hein. Je comprenais pas. J'ai pogné deux gars en même temps. Physiquement, ça se peut pas. Tu trouves la grosseur que j'ai. Deux adolescents qui auraient dû me manger. Ils ont eu assez peur qu'à un moment donné, on a dit arrête. Je savais pas où j'allais. Puis là, ça a dit mon nom. Là. Ça a dit bon, ça suit. Mais ça, ici, ça s'est ouvert. J'ai pensé que j'allais mourir. Ah. Le cœur allait me sortir de l'eau. Vous autres, vous êtes encore au stage où vous pensez en termes de femmes puis d'hommes, mais un jour, vous ne pensez plus en termes d'hommes et de femmes. Puis quand va venir le jour où vous ne pensez plus en termes d'hommes, en termes d'hommes et de femmes, ça va être proche. L'ouverture de ça aussi. Vous avez accepté un coup de poing de votre femme, mais je vous dis, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui en accepteraient, je pense. Vous savez, vous avez le choix. C'est ça que je veux dire. Moi, c'est parce que je t'ai conscientisé. Ben, je savais ce qui se passait. Quand elle me sacrait un coup de poing, c'est parce qu'elle était au bout de la corde, puis c'était le temps d'arrêter. Mais elle était capable. Sans ça, elle aurait été un petit toutou toute sa vie. Avec un chien. Comme toi. Faut qu'il y ait un équilibre. Puis le karma de l'homme contre la femme est extrêmement grand. Le karma mondial de l'homme contre la femme, l'homme a un très gros karma à payer, puis il va le payer parce que les femmes se séparent de l'homme. C'est là que l'homme va parler son karma, parce que les femmes aujourd'hui sont devenues indépendantes. C'est pas comment. Avant, les femmes, c'est des petits chiens, des petits toutous. Mais à cette heure, les femmes changent. Seulement, les femmes sont inconscientes dans la société. Mais ça fait partie du karma mondial que l'homme doit payer. Mais au niveau d'initiation solaire, c'est le même jeu qui se produit. Il doit y avoir l'équilibre des deux esprits dans deux corps différents. Fait que, puis ils ne voudront pas ça. Je le sais qu'ils ne voudront pas ça. Parce que c'est pas notre vie sur le plan matériel qui les intéresse, c'est notre vie après le contact au niveau du supramental et l'ouverture de l'éther. Donc le plan matériel, c'est simplement pour la préparation des corps. On est ici, on est dans le four, nous autres, puis le pain, il se fait, puis il se tasse, puis il se tasse, puis il se tasse. Puis éventuellement, t'en arrives à vivre une vie très, très consciente, même sur le plan matériel, puis éventuellement, quand c'est le temps au niveau des événements de la planète, toute la bébelle, à ce moment-là, il y a une autre ouverture de conscience qui se fait. Mais il faut qu'il y ait un équilibre entre l'homme et la femme. Peux-tu juste nous faire entrevoir c'est quoi que tu veux dire quand tu dis vous êtes encore au niveau de l'homme et de la femme, en termes de mots? Quand je dis que vous êtes encore au niveau de l'homme et de la femme, c'est que vous vivez encore au niveau de vos personnalités mâles et femelles. Oui, mais quand on commence à en sortir... Quand tu commences à en sortir à ce moment-là... Il faut pas que tu parles parce qu'il t'a pas de mots. C'est ça. Quand tu commences à en sortir à ce moment-là, tu commences à voir différent. À ce moment-là, il faut que tu fermes ta gueule dans un sens si tu veux pas tout charrier autour de toi. Mm-hmm. Il y a une affaire, c'est bien subtil, ça dépend de chaque famille, chaque union, il n'y a pas un cas pareil, c'est pas que j'en parle pas généralement. Mais la vibration éventuellement attaque la situation. Et c'est la vibration qui run le show éventuellement, c'est la personnalité. Tu sais, quand ça te passe dans le corps, puis tu tasses les deux gars, c'est la vibration qui passe, puis tu tasses les deux gars, puis après ça, tu te demandes qu'est-ce que tu as fait, ma foi du bon Dieu. T'sais, en passant à la vibration, puis tes sens s'ouvrent, puis ton esprit se demande si, pourquoi est-ce que tu as fait ça, puis tu sais, il s'en passe des affaires. Et moi, depuis que tu es là, depuis un an, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas de gros problèmes, tu sais, mm-hmm. Pour m'achaler. Mais avant, toi, Je dis même en psychologie, tu n'es pas capable d'expliquer ça parce qu'il faut toujours que tu sois compartimenté, étiqueté. La psychologie ne peut pas expliquer ça parce que la psychologie est polarisée. Et à part ça, la psychologie est incomplète parce que la psychologie ne comprend pas les mécanismes de l'ego de l'homme. La psychologie ne comprend pas les mécanismes de l'esprit de l'homme. La psychologie ne connaît pas l'expérience de l'âme. La psychologie est l'inconscience des mutations. La psychologie ne connaît pas le mécanisme de la personnalité en relation avec l'ego. Et elle n'est pas encore capable de résoudre le conflit permanent qui existe entre le principe mort et le principe honnête. Fait que la psychologie a bien des affaires à apprendre. Ça va loin. Moi, dans mes mots, il y avait des êtres humains. Je sais que dans la logique socialement, qu'il y a des hommes et des femmes. Mais pour moi, tout le monde était beau. Puis en termes d'attirance, tu sais, il n'y avait pas de... Ouais, mais là, il y a encore un autre affaire. Tout le monde n'est pas beau. La première chose, c'est que tout le monde n'est pas beau parce qu'il y a bien du monde d'inconscient. Puis quand vous rencontrez des gens qui sont ce que vous appelez beau, c'est parce qu'ils sont conscients. Moi, j'ai dit beau. Beau, ouais, vous avez dit beau. Mmh. Ouais. Mmh. Puis tout le monde n'est pas beau. Puis aujourd'hui, vous pouvez, à cause des personnalités, à cause du fait que vous réfléchissez sur la situation de l'homme en relation avec la personnalité par le travail, de la personnalité, vous voyez les gens comme beaux ou pas beaux, mais un jour, vous allez voir les gens comme conscients et inconscients. Puis laissez-moi vous dire qu'il y a plus de gens beaux aujourd'hui que de gens conscients. Puis quand tu commences à fonctionner consciemment en relation vibratoire avec les gens, à ce moment-là, même les gens beaux ne sont pas beaux. Fait qu'il reste plus grand monde à l'air. Le cercle électricien. Il est électricien maudit, ça. Oui, mais faut que tu développes un respect de ces gens-là. Tout le temps. Mm. Tout le temps. Ça, c'est dur. Ça, j'aimerais ça que tu me l'expliques. Okay, là, j'ai envie. Non, non, mais j'ai envie quelque chose. J'ai dit beau. Je me souviens pas d'avoir dit beau. Puis, avec mon conscient à moi, c'est pas ça que je veux dire. Ouais. J'ai dit beau. Puis là, ça arrive dans ma tête. Hein? Ouais. Ça arrive en haut. Ben, c'est pas ça que je veux dire. Ouais. Ça, ça m'écœure. Hein? Ça fâche. Je t'accueille. C'est pas ça. Après quoi, tu me dis beau. Je regarde les autres et dis, oui, j'ai dit beau, mais. Je te le dis, ça fait 2 mois qu'ils m'ont comme ça. Ouais. Quand même. Ça fait de l'arrière. Parce que l'ego veut toujours contrôler ce qu'il dit. Okay? Ça, c'est la même chose avec le phénomène de mémoire. Mm. C'est le même. Éventuellement, on s'ajuste. C'est comme ça que l'étudiant avec le mental se fait. Rambana, ça nous apprend à ne pas nous prendre au sérieux. Ça, c'est important. Qu'est-ce que vous me demandiez? Est-ce que quelqu'un me demande la question? Ah, je parle là, c'est le même qu'il fallait développer un respect des gens qui sont importants. On doit respecter tout. On doit respecter la vie. C'est la conscience. Ça veut pas dire que tu es obligé de vivre avec tout le monde. Ça veut pas dire que tu es obligé de subir l'inconscience des hommes. Tu as subi jusqu'à un certain point. On ne vit pas dans un vase clos. Mais éventuellement, tu en arrives à organiser ta vie de sorte que tu vis ta vie comme tu veux. Ça t'est pas donné tout de suite. Tu en arrives petit à petit à vivre. Moi, je commence à vivre ma vie comme je veux. Je commence. Je n'arrive pas comme je le fais, parce que la vie comme je veux, c'est cher et plein. Je ne suis pas rendu en faux. J'ai bien trop de travail à faire sur le plan matériel. Mais je ne peux pas la vivre comme je veux complètement. Mais je peux la vivre comme je veux assez pour passer un bon pourcentage de ma vie sur une petite pièce de terre où il n'y a pas de gens inconscients là. Mm-hmm. Comme au niveau de travail, il y a des gens qui travaillent avec moi, c'est beau, c'est ça. Tu vois le calme dingue, brillante, là, puis t'as fait de contrôler. Mais il y a beaucoup d'événements dans votre vie que vous allez vivre au cours des années qui viennent, qui vont vous amener, rien qu'à cause de votre vibration, votre sensibilité vibratoire, à changer d'emploi, ou aller plus loin, ou aller là. Ça, vous allez être amené petit à petit. C'est tout suivant votre résistance. Aujourd'hui, vous avez la résistance, vous travaillez chez Eaton un jour, vous n'aurez plus la résistance, vous travaillez chez Eaton, donc automatiquement, vous allez travailler ailleurs. C'est automatique. Ça, c'est automatique. Maintenant, ça se fait graduellement avec chacun. Moi, ça a pris 11 ans. Le point essentiel que je veux dire, c'est qu'éventuellement, c'est par vibration qu'on fonctionne, ce n'est plus psychologiquement, puis éventuellement, on devient totalement capable d'organiser notre vie comme on veut. Mais tu ne peux pas organiser ta vie comme tu veux tant que tu ne sais pas comment tu veux l'organiser. Ah, si je te demandais à toi, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie aujourd'hui, tu serais bien mal pris pour me le dire. Ça prend mieux que tu peux dire. Fais ton possible. Mais un jour, tu sais exactement ce que tu veux faire dans la vie. Moi, si tu me demandais ce que je veux faire dans la vie, je peux te dire, je veux faire ça. Je peux te dire, ça va être fait telle année. Fait quand tu es rendu à savoir ce que tu veux faire dans la vie, tu connais le temps de ça, tu le fais. C'est fini. À ce moment-là, tu ne souffres plus autant de l'inconscience de l'âme. D'ailleurs, vibratoirement, éventuellement, tu ne peux plus souffrir de l'inconscience de l'âme. Capable. Pas parce que tu veux pas, tu n'es plus capable. Il y a une différence entre tu veux pas et tu n'es plus capable. Oh, mais là, d'une autre manière, il faut quand même que tu développes la résistance. C'est ce qui se produit dans vos vies présentes. Tant que vous êtes en relation avec l'homme, vous allez développer la résistance, la résistance, la résistance, la résistance, la résistance. Tu peux pas envoyer le monde promener. Non. Non, c'est de l'inconscient. C'est un manque de résistance. Quand tu as de la résistance, t'envoies personne promener. Mais tu sais qu'à partir. C'est différent. Oui, nuance. Nuance. Quand on commence à sentir la vibration, on commence à vivre un autre genre de vie. C'est plus la même vie. C'est une vie qui est réelle. Même si on est en société, on est détaché de. On est détaché. On se détache en dedans. C'est un détachement intérieur. C'est un détachement intérieur. De plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Puis on cherche de plus en plus de la solitude. Le plus difficile, c'est que quand tu sens les gens qui sont faux, les gens qui sont vrais, c'est les gens qui sont sincères, puis ceux qui jouent dans le dos. Parce que moi, je suis venue à un moment donné que la personne, je le sens quand elle peut me dire bonjour, puis en arrière, elle peut me dire, tu sais. Oui. C'est pas ça qu'elle veut dire. C'est ça que je trouve le plus difficile. C'est là que vous développez une résistance, puis vous développez une objectivité, puis vous vous soulevez au-dessus de votre personnalité. Parce que je vais vous dire une chose concernant votre personnalité. Un jour, vous vivrez un état d'esprit où votre personnalité sera totalement en dehors de votre perception matérielle. Mes sens. Je suis sûr d'ailleurs que la plupart de vous autres aujourd'hui se sentent un petit peu plus en dehors de la personnalité. Reculez dans le temps avant qu'on se rencontre, puis regardez comment est-ce que vous vous sentez dans vos personnalités. Ah ben vous oui. Allez voir que vos personnalités n'ont plus d'importance qu'il y avait. C'est-à-dire que ma personnalité, c'est au niveau du caractère aussi? Ouais, ouais. Tout ce que vous pensez. Que j'ai plus mes caractères que j'avais. Plus qu'on... Ouais, ouais, ouais. On fait plus ce qu'on faisait, c'est-à-dire. Ouais, ouais, ouais, ouais. Mais elle va plus loin. Elle dit on fait plus ce qu'on veut. Quand elle est rendue à pouvoir... C'est intéressant. Vous allez venir à réaliser que ce que vous dites, c'est ce que vous êtes. Ce que vous dites, c'est ce que vous êtes. Ce que vous dites, c'est ce que vous êtes. Et plus la fusion est grande, plus ce que vous dites change, parce que plus ce que vous êtes change. De sorte qu'éventuellement, ce que vous dites, c'est bien constant, constant, constant, constant, constant, constant, constant, constant. Ça change plus, c'est constant, constant. Ça peut durer une millième. Comment dire, tu changes plus d'idée? Tu changes plus d'idée. Parce que t'en as plus. Le messager, le messager devient le message. Le messager devient le message. Le messager devient le message. Exactement. Ce que je veux dire face à ça, là, c'est que, vois-tu, je m'étais fait couper mon salaire. Je pensais là, que j'étais pour commencer à travailler parce que le temps qui n'était pas là, j'ai eu un téléphone pour une réception. Puis le même soir, il n'était pas là encore, il y a eu quelqu'un qui était lui encore pour une réception. Puis j'ai dit, ben, il n'est pas là, fait que vous le prenez. Il dit, non, il m'a dit de venir te voir. Et ça fait peut-être un petit bout de temps. Hein? Fait que j'ai dit, que, tu vois ce que tu veux. Puis demain, je parle avec lui parce que depuis que je suis revenu de voyage, je n'ai pas eu l'occasion de jaser avec. Dans le matin, j'explique la patente, puis je ne travaille plus. Tout à l'heure, quand tu disais qu'il faut travailler, on m'a amené au temps qui se passe de travailler. Éventuellement, tu es obligé. Parce qu'il y a une affaire concernant le travail. Mais expliquer la fonction du travail. Le travail, c'est une situation de vie qui permet à l'homme d'oublier sa souffrance. Un homme qui travaille, il dit c'est un homme qui est partiellement heureux. Là, il donne le dénominateur commun. Un homme qui travaille partiellement heureux parce que pendant qu'il travaille, son énergie est concentrée sur ce fait au lieu d'être concentrée sur lui-même. Puis plus tu deviens conscient, plus tu es obligé de canaliser ton énergie. Sans ça, la patate te saute. Faut que tu la canalises. Soit la vibration, ta sans vibration, ça t'amène ton corps dans les jambes, tu prends des plantes. C'est un travail quand tu es des plantes. Ça n'en fait pas, mais c'est un travail. Faut toujours. Tu peux pas devenir conscient. Tu peux, pendant une certaine période de temps, ils peuvent forcer. Ils peuvent te retirer du travail. Pendant que tu retires du travail, là, t'es détention parce que l'énergie s'accumule. Là, tu n'as plein de casque, tu voudrais avoir un petit job, tu n'es pas capable de l'avoir. Ça va partir du travail du soir. Éventuellement, quand ils rétablissent l'équilibre, l'homme doit travailler. Mais il travaille d'une façon différente. Ils ne travaillent plus pour les mêmes raisons qu'ils travaillaient avant. Ils travaillent à travers le statut social, ils travaillent à travers les managers, ils travaillent à travers, tu sais. Parce que là, ils travaillent pour avoir suffisamment d'argent pour rentrer chez eux, s'acheter une routine, se payer son loyer. Fait que la job n'a plus la même valeur, éventuellement, quand tu te concertises. Mais son importance demeure parce que l'homme est obligé d'activer l'énergie en lui et de canaliser cette énergie-là. Sans ça, tu vas parler, puis parler, puis parler, puis parler, puis parler. Plus tu parles, plus tu augmentes la vibration de ton corps mental. Donc, des fois, il faut que ça tombe, cette énergie-là. Il faut que ça prenne ça balance. Puis le travail, il le fait. Lui, Maurice, il ne travaille pas, il ne travaille pas de job, mais il fait des meubles. Fait qu'il balance son énergie. C'est quand il fait des meubles qu'il est bien. Quand il fait des meubles, là, qu'il est dans ses meubles, là, il est bien. Quand on travaille dans notre corps, c'est un peu différent. Si vous travaillez en cours, c'est encore mieux parce qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas sur la vibration d'un autre, vous êtes sur votre propre vibration. Mm-hmm. Je travaille en cours, c'est le meilleur job. Il dit, reprends la question de créativité que tu as parlé. La créativité? Oui. Tu as fait un parallèle entre le travail et la créativité. Tu as dit que dans les gros. La créativité, il n'y a pas de différence entre la créativité et le travail. Nous autres, on met une différence entre la créativité et le travail parce que souvent le travail ne nous permet pas d'être créatif au niveau où on voudrait. Mais il n'y a pas de différence entre la créativité et le travail parce que la créativité, c'est une vibration qui part des transférences qui descend dans l'homme, qui se situe soit sur le plan mental, ou sur le plan astral ou sur le plan mécanique. Mais comme on donne une valeur au travail, c'est là notre erreur au niveau de notre personnalité. On voudrait être gérant, on voudrait être grand boss, c'est là que. Il dit que ce n'est pas du travail qu'on souffre. C'est pas de la position base dans la vie du travail qu'on souffre. Ce qu'on souffre, c'est de la valeur dont on donne au travail. De sorte qu'un gars qui pense qu'il va avoir un job de gérant puis de gros boss, mais il va souffrir de ne pas être boss tant qu'il ne sera pas boss. Puis quand il va être boss, ben, il va souffrir de d'autres choses. Il va pas être muté par une autre compagnie. Parce que l'ego veut toujours monter, puis dominer, parce que l'ego veut toujours dominer. Puis vouloir être boss, c'est vouloir être dominé. C'est vouloir avoir plus de gérance au-dessus d'avoir un statut social qui va avec ça. Ça, c'est une illusion de l'ego. Tandis que l'homme devrait travailler un pour travailler. Si l'homme apprend à travailler, un pour travailler, autrement dit, s'il travaille pour exécuter sa vibration en dehors de la personnalité, simplement au niveau des réflexes de l'ego, à ce moment-là, qu'il fasse n'importe quel job, il va être content. Il va lever sa petite job. Il dit, il n'y a pas de grande job, il n'y a pas de petite job. Une job, c'est une job. Mais nous autres, on lui donne une grandeur, et c'est ça qu'on souffre parce qu'on se connaît fort. Ça, c'est important. C'est toute la créativité. Alors, ça veut dire qu'il faut changer. Il faut changer notre langage, il faut changer nos illusions. Ah, OK. Moi, je continue ça. Il faut complètement changer notre langage. Complètement changer notre langage. On ne change pas notre langage parce qu'on veut, on change notre langage parce qu'éventuellement, vibratoirement, notre langage change. Puis quand notre langage change vibratoirement, on s'aperçoit qu'on peut seulement communiquer ce langage-là avec des gens qui ont le même langage. Puis si on parle à des gens qui n'ont pas le langage, ce langage vibratoire-là qui a une grande signification, à ce moment-là, ils ne le comprennent pas, parce qu'à ce moment-là, il faut qu'on s'ajuste à eux autres. Tu ne peux pas dire quelqu'un, tu ne peux pas arriver à ton boss et dire, j'ai pas de vibration, je travaille. Tu peux dire, je suis malade aujourd'hui, ou je suis menstrué aujourd'hui, mais si tu n'as pas de vibration, ma femme, je dis que c'est ça que tu as. Fait que le langage s'ajuste, puis s'ajuste, puis s'ajuste, puis éventuellement, le langage devient tellement précis que le langage détermine la nature de votre entendement, le langage écartille les formes. Vous faites voir au-delà, au-dessus, en dessous des formes. Si vous lisez un livre, vous êtes dans la vibration du langage, à ce moment-là, vous allez voir à travers la forme. Vous allez voir que ce que le gars dit, c'est pas complet. C'est mécanique. Ça mène à rien. C'est pas créatif. C'est pas essentiel. Ça tourne en haut. Parce que tantôt, tu parlais s'élever dans l'échelle sociale pour devenir boss, pour répondre à ton ego. Moi, il y a une chose que je peux te dire. Sur le plan des études, j'ai assez étudié, je considère, pour être reconnue. Ça fait 25 ans que je suis sur le marché du travail. Je suis payée toujours comme une fille qui commence. Je ne suis pas capable d'ajuster ça présentement. Il y a un restant de colère, tu sais. Parce que partout où je vais dans le système, je peux travailler très bien en service social, j'ai fait mon dé. Plutôt dans l'agence où je travaillais, plutôt de m'envoyer à l'Université du Québec parce que ce n'était pas reconnu sur un plan des papiers, ils m'ont envoyé faire mon bac, mon dé. Et pour les mêmes années, avec les mêmes professeurs, plutôt d'avoir un papier universitaire, j'ai un papier collégial. Sur le plan de la qualité du travail, je peux jurer que n'importe qui, je peux faire le même travail que le travailleur social. Mais je ne serai jamais respecté. Moi, je ne veux pas être patron. Je veux avoir le salaire qui me revient. C'est tout. Je ne veux pas avoir de... Je veux pouvoir avoir le salaire de bas, je n'ai pas besoin. Ouais. La créativité, je suis capable de la trouver avec mon client. Oui. Mais il y a bien des raisons là-dedans. Il dit que nous autres, on ne réalise pas. Il y a bien des choses qu'on ne réalise pas au niveau de nos égos, au niveau de la mécanique de nos égos, puis la relation entre nos égos et d'autres égos. C'est que souvent, il nous est mis des bois dans les roues dans la vie. Les bois dans les roues nous sont mis pour nous amener un jour ou l'autre à réaliser des choses qui sont essentielles. Les choses qui sont essentielles ne se comptent pas au niveau de la forme sociale qu'on a besoin. Alors, c'est comme si on est obligé de vivre certaines souffrances, certaines lacunes, même si on a les capacités. Parce qu'en vivant ces lacunes-là, on arrive à découvrir d'autres océans. Il dit que c'est la plupart des gens, d'ailleurs, dans le monde entier, qui vont être contactés par les forces, vont réaliser un jour que part dans leur expérience. Surtout si c'est une expérience qui est au niveau de l'éducation, parce que l'éducation pour l'ego, c'est très important. Ils vont réaliser au niveau de l'éducation qu'il y a eu un blocage quelque part. Il y a eu un empêchement quelque part. Ou s'il n'y en a pas eu dans le passé, il y en a un qui commence. Et l'empêchement qui commence sert quoi? À diminuer la valeur de l'ego pour faire rentrer en lui une vibration supérieure qui ne pourra pas rentrer si la valeur de l'ego serait trop grande. Parce que l'ego trouverait dans cette valeur-là un support psychologique. Puis le support psychologique, c'est un voile qui empêche la lumière de passer. Un homme qui est trop riche, qui est trop intelligent, qui est trop d'abondance, qui a trop de ci, qui a trop de ça, c'est très difficile pour eux autres de passer à travers. Alors, s'ils veulent passer à travers, ils sont obligés de créer un choc, l'amener à terre, l'amener dans une dépression, craquer à la glace, ils donnent un gros accident au cas où demain. C'est ce qui arrive dans lui. Alors, finalement, c'est l'experiencing, ils me disent ça. L'experiencing. Expérimenter, c'est pas pareil comme... Expérimenter, ça vaut pas de la merde. Experiencing is the whole thing. C'est ça. Expériencer. C'est ça. People experiment in life because they have to find out different formulas to appreciate the nature of their ego, to appreciate the nature of their personality. But experience has nothing to do with this. Experience is a form of expression of the consciousness through the ego and the personality at the same time, so that the ego and the personality become more and more one. Whereas experimenting is only for the benefit of the personality. Comprenez-vous ce que je veux dire? L'expérimentation, c'est pour le bénéfice de l'ego et de la personnalité. Pour le bénéfice de la personnalité, parce que l'expérience, c'est pour le bénéfice de l'ego et de la personnalité, pour qu'un jour l'ego et la personnalité deviennent un. Parce que quand ton ego et ta personnalité deviennent un, tu commences à être bien dans ton ego. Quand tu commences à être bien dans ton ego, tu commences à être bien. Lui, il fait ça, tu commences à être bien dans son ego, puis c'est un homme qui n'est pas jeune. Il commence à être bien dans son ego, puis il n'est pas parfaitement bien dans son ego, bon. Il commence à être bien dans son ego. Depuis quelques années, naturellement, il commence. Il est rendu à 85%, il n'en a pas 15%. Quand tu commences à être bien à ton ego, tu commences à être bien, parce que quand tu es bien à ton ego, il ne pleut jamais. Il n'y a jamais de nuage. Il n'y a jamais de nuage. Tu es toujours sûr d'être sûr. Tu sais? You're always kingship. You're always king in the pin. Tu es bien à ton ego. Mais il faut que tu te dises au revoir. C'est ta patente à toi. Et ça, là, avec nos maudits restants d'ancienne personnalité, de vouloir aider les autres à se sauver. Ça, c'est la plus grande illusion que vous pouvez vivre, aider les autres à vous sauver, parce que quand vous aidez les autres à vous sauver, quand vous aidez les autres à se sauver, c'est parce que vous aidez vous-même à vous sauver. Vous êtes prêt à vous sauver en aidant les autres, parce que les autres vont vous draguer dans la mode. Ils vont vous draguer dans la boue, les autres, pas parce qu'ils veulent, mais parce qu'ils ne sont pas capables de faire autrement. Les hommes, l'ego est naturellement vampirique. Si t'es moindrement une vibration supérieure à une autre personne, il va s'accrocher à toi. Parce que t'as quelque chose à lui dire, t'as quelque chose à lui donner, t'as quelque chose à lui enseigner, t'as quelque chose à lui montrer, t'as quelque chose à lui démontrer, t'as quelque chose à l'amener plus loin. Les hommes veulent tout aller plus loin. Même si ça va pas loin, ils veulent tout aller plus loin. Fait qu'à un certain moment, faut que tu fasses ta gueule, tu passes pour un niaiseux. C'est bon de passer pour un niaiseux. Moi, je passe mon temps à passer pour un niaiseux. C'est là que je parle à tout le monde, j'arrête la peau. J'arrête une vraie messe. Parce qu'il vient. Pardon. Il vient tant. La vibration est trop forte. Tu vois tout, tu sais tout, tu comprends tout. Tu comprends tout le monde. Tu finis comme un gouzou et un gourou. Quand tu commences à être timide, t'es pas intéressé à être ni un ni l'autre. T'es intéressé à être chez vous et dans tes carottes dans ton champ. Puis vivre en relation avec ton ego l'âme qui rôde la personnalité, pas l'inverse. Est-ce que je peux demander pourquoi je n'ai pas été engagée et qu'est-ce qui arrive avec mon sentiment? Il y a trois raisons. D'abord, tu n'as pas été engagé parce qu'il y a un changement dans ta vie. Deuxièmement, pour t'amener éventuellement à une sorte d'indépendance. Puis troisièmement, pour forcer l'indépendance. Ah, ces trois raisons-là vont t'amener à développer chez vous une sorte d'intérieur profondément centré, profondément orienté sur le développement simplement de ton esprit et non sur l'aboutissement de relations avec des gens qui sont inconscients. Tout ça. Tout simplement pour monogamie. Tout ce qui se passe dans notre vie, c'est voulu, c'est su, c'est connu. C'est à nous autres de savoir que ça marche de même, puis nous autres de comprendre que ça marche de même, puis de nous autres de ne pas nous exciter, puis d'attendre. Puis de voir, puis de sentir, puis de faire les mouvements quand c'est le temps, quand on a la vibration. En attendant, t'attends, puis tu finis la paix.